il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Je suis ce nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion. Le sourire au bout du canon. J'aime l'argent mais je préfère avoir le temps. Tu as l'âme, encore faut-il avoir le cran. Pour le trône tout se règle par le sang. Sur le macadam les morts ne respectent pas les grands. Sombre toi triste mélo. Dinero où es-tu dimelo. Et tu pleutrais pas ouais. Tu prends pour le main event. Baisse les yeux c'est pas la fête. Mon dieu est tombé sur la tête. L'équipe adverse marque la chenette. Son billet vert marque la bête. Je viens de baiser, t'auras pas lâché une thune. T'es témoin d'un masque qui entre une calache et une plume. T'en as deux, une dans la bouche et l'autre dans le croissant de lune. Plusieurs neufs, ils critiquaient mais on tous saignait l'autotune. On ne remettra pas les chaînes. Je baisse la vie comme une chienne qui a pas de prénom. Cross les ponts, qu'on les bobines, j'fume les démons. On ira tous en tôle si tu donnes des noms. Gamer dans le froco, j'crache fumé, baisse de white widow. Par la window, faut en passer sur le corps. Impossible sur les réseaux. Tu ne meurs jamais, toi elle brillera dans le bendo. Mais j'n'en suis pas resté là. Sombre pirate, je n'ai jamais chéré. Qu'ils tombent bon pour un phare. Donne-moi la main, mets-toi sous mon ombrelle. Sombre histoire, triste mélo. Dinero, où es-tu, dimelo. Je ne suis plus très pas, ouais. Dinero, où es-tu, dimelo. Baisse les yeux, c'est pas la fête. Mon dieu est tombé sur la tête. Qui pas perce, marque la chenette. Sur le billet vert, marque la fête. Il n'y a pas de loi ici. S'il y a Sinaloa, il fait beaucoup trop noir ici. Viva la vida loca. Ils ne veulent pas nous voir ici, non. Je suis ce nègre au fond du wagon. J'ai un cœur tombé du camion. Le sourire au bout du canon. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, laisse-moi rêver.